fois, s'il te plaît. Merci. Vas-y, refais-moi-le, s'il te plaît. Merci. Tu veux du gâteau, Phil? Ah bah attends, on vous appelle. Eh, il nous faut du gâteau maintenant pour t'as chanté la chanson. Youpi! Alors, avis à Nathan, s'il vous plaît, vous nous faites parvenir le gâteau. Nous voulons la pièce montée complète. Il va falloir que je dise ça, super.